Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et c'est Karine Gravel au micro. Donc, la saison estivale approche, peut-être pas aujourd'hui spécifiquement, mais on sait que ça s'en vient pour bientôt. Et on va voir en même temps apparaître des publicités de perte de poids un petit peu partout, hein, sur le web, dans les magazines et même sur les autobus. Donc, le désir d'être mince, de maigrir, il est très présent dans notre société et plusieurs personnes s'orientent vers les produits de santé naturels comme les produits de santé amaigrissants. Donc, pour en connaître davantage sur le sujet, je suis accompagnée de Renaud Pétry, qui est stagiaire au baccalauréat en nutrition à l'Université Laval. Bonsoir, Renaud. Bonsoir, Karine. Donc, Renaud, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton parcours pour t'introduire aux auditeurs? Mais oui, bien sûr. Donc, merci, Karine. Donc, c'est ça. Je suis étudiant en troisième année en nutrition à l'Université Laval. Donc, je vais avoir mon diplôme en décembre de cette année. Donc, au niveau de la nutrition, j'ai deux intérêts dans le domaine de la santé qui me tiennent particulièrement à cœur. Donc, le premier touche les personnes qui ont choisi de suivre des régimes alternatifs comme les végétariens, les végétaliens et les crudivores aussi. Et le deuxième touche aussi à la naturopathie et les médecines douces, c'est qui explique le sujet d'aujourd'hui. Et est-ce que tu peux nous expliquer là, plus précisément comment on définit un produit de santé naturelle et qu'est-ce qu'on entend aussi par produit de santé amaigrissant? Oui, alors comme le nom l'indique, un produit de santé naturelle contient des substances d'origine naturelle, donc détenant une allégation santé. Donc, selon Santé Canada, ces produits de santé naturelle sont par exemple des vitamines, les minéraux, les plantes médicinales, les remèdes homéopathiques, les remèdes traditionnels et les probiotiques aussi. Okay. Donc, parmi les produits de santé naturelle, il existe des produits qui sont naturels mais utilisés pour la perte de poids. Okay. Donc, par exemple, il y aurait les extraits de café ou de thé qui sont utilisés pour accélérer le métabolisme. On peut trouver aussi les fibres qui sont utilisées comme coupe-faim. Et il y a aussi les laxatifs et les diurétiques qui sont, par exemple, utilisés pour accélérer le transit intestinal et perdre de l'eau. Donc, c'est ça, ces produits font partie des produits de santé amaigrissants. D'accord. Et maintenant qu'on en sait un petit peu plus là, sur la définition là, des produits de santé naturelle amaigrissants, on se doute en fait qu'ils sont assez populaires. Hein, si on voit sur les tablettes, ils sont très nombreux. Mmh. Est-ce qu'il existe des données pour témoigner de leur popularité? Oui, donc le gouvernement du Canada en fait mentionne que la vente des produits de santé amaigrissants croît au même rythme que le taux d'obésité augmente dans la population canadienne. Donc, les produits de santé amaigrissants, en fait, ils vendent une perte de poids qui est rapide, sécuritaire, 100% naturelle. Alors, évidemment, mais les consommateurs, ils peuvent comme légitimement croire que ces produits vont les aider pour une perte de poids. Mais oui. Donc, la dernière enquête menée par le ministère du Développement économique, de l'innovation et de l'exportation qui remonte à 2005. Donc, selon cette enquête, en fait, 69% ont déjà utilisé un produit de santé naturelle et 38% des Québécois en utilisent à chaque jour. C'est surprenant, oui, c'est énorme. Ouais. Donc, selon cette même enquête, en fait, plus un Québécois est riche et éduqué et plus il va être porté à en acheter. Okay. Donc, maintenant, si on revient aux produits de santé amaigrissants, donc selon l'Association pour la santé publique du Québec, en fait, au Québec, il existe comme 2 personnes sur 5 de plus de 15 ans qui tentent de perdre du poids. Et parmi ces 2 personnes sur 5, il y a 77% qui ont eu recours plus d'une fois à un produit de santé amaigrissant. Donc cette fois-ci, contrairement aux produits de santé naturelle, en fait, ce sont les personnes qui sont les moins scolarisées qui ont tendance à consommer plus de produits de santé naturelle amaigrissants. Amaigrissants, c'est ça. Donc, ma prochaine question, elle concerne l'innocuité de ces produits naturels amaigrissants. Donc, ils sont très populaire. Je pense que ça, c'est plus à démontrer. Les chiffres sont surprenants, mais en tout cas, moi, ils me surprennent. Mais est-ce qu'ils sont vraiment sécuritaires et efficaces pour la perte de poids? Est-ce qu'on a des données à ce sujet-là? Donc, pour répondre à cette question, en fait, je vais me baser sur une étude qui a été menée par l'équipe de la chercheuse Myriam Malé-Martino. Et cet article-là est paru dans la revue The Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis en février 2016. Donc, en fait, les membres de cette équipe se sont demandé si les produits naturels amaigrissants étaient vraiment à 100% naturels et sécuritaires. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté 160 produits amaigrissants naturels sur Internet et ils ont testé leur composition à l'aide de deux techniques, la chromatographie en phase liquide à haute performance qui a été combinée avec une deuxième technique, la spectrométrie de masse. Okay. Donc, pour venir à la première technique, la chromatographie permet de séparer les molécules présentes dans un mélange, alors que la spectrométrie de masse est une technique physique d'analyse permettant de détecter et d'identifier des molécules d'intérêt par la mesure de leur masse. OK. Donc, en fait, grâce à ces deux techniques, les auteurs ont été en mesure d'identifier avec précision les molécules présentes dans les produits testés. OK. Donc, cette étude nous montre, en fait, les résultats de cette étude montrent que 56% des produits naturels amaigrissants testés contenaient des ingrédients pharmaceutiques actifs. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que ces composés, en fait, sont des molécules actives contenues dans les médicaments. Okay. Donc, en fait, les auteurs, ils ont été capables de montrer la présence de molécules actives de médicaments dans des produits naturels amaigrissant dont la publicité met en avant ce côté 100% naturel. Ces ingrédients-là ne seront pas indiqués sur le produit. OK, donc c'est incroyable, 56%. Et est-ce qu'on connaît la nature des médicaments qui étaient présents dans ces produits de santé naturelle amaigrissant là, toujours de cette étude-là? Oui, bien sûr. Donc, en fait, 26% des produits naturels amaigrissants de cette étude contenaient du sibutramine, 6% contenaient de la phénolphthaléine et 14% contenaient ces deux ingrédients pharmaceutiques actifs. Donc, pour revenir à ces molécules, en fait, le sibutramine a été retiré du marché en 2010 parce qu'il augmente le risque de développer des maladies cardiaques chez des sujets ayant déjà eu des antécédents médicaux. Donc, la dose médicale prescrite à l'époque était de 5 mg et on en retrouve jusqu'à 22 mg dans les produits testés, ce qui peut vraiment provoquer des dommages sérieux. Au niveau de la phénolphthaléine, elle a été retirée du marché dans les années 1990. Elle a été mise au marché en 1990, mais elle a été retirée en 1999 en raison de ses effets cancérigènes. Donc, la dose prescrite de ce médicament était de 15 mg et on en retrouve jusqu'à 55 mg dans les produits testés. En plus de ces molécules, les auteurs ont aussi été capables de détecter, par exemple, de l'orlistat qui peut provoquer une sensation d'euphorie et des hallucinations, du fluoxétine qui est un antidépresseur, du sildénafil qui est la molécule active de synthèse du Viagra, évidemment des concentrations élevées de caféine qui peuvent provoquer, par exemple, des tachycardies, des palpitations et même un arrêt cardiaque. On en veut d'autres, des études comme ça. Oui, hein? Oui, donc c'est une étude qui est extrêmement intéressante d'un point de vue scientifique, mais pour la population, c'est inquiétant. Donc, qu'est-ce que dit la réglementation sur la mise en marché de ces produits naturels amaigrissants? Oui, Karine, en fait, c'est cette situation qui est un peu paradoxale parce que Santé Canada veille à ce que les Canadiens puissent avoir facilement accès à une gamme de produits de santé naturelle qui sont évidemment sécuritaires en examinant les produits de santé naturelle avant d'en autoriser la vente. Oui. Cependant, dans le rapport intitulé « Mémoire sur les produits, services et moyens amaigrissants » de l'Association pour la santé publique du Québec, en fait, celle-ci affirme que plus de 90% des produits de santé naturelle recensés n'avaient pas été approuvés par Santé Canada et se retrouvaient tout de même en vente libre. Oh. Oui, donc ces produits évidemment contiennent plusieurs ingrédients approuvés ou non, bien sûr lesquels peuvent être plus ou moins dangereux pour la santé. Je voudrais aussi mentionner à ce sujet que 100 personnes sont mortes au Canada entre 2008 et 2012 après l'utilisation d'un produit naturel amaigrissant, alors que ce chiffre n'était que de 6 entre 1993 et 1997. Donc, on peut penser que ça a augmenté beaucoup. Hein? Oui. Donc, c'est inquiétant du côté de la réglementation. On voit qu'il y a du travail à faire. Oui. Donc, pour terminer, Renaud, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur le sujet, comme c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup, et quelles seraient tes recommandations pour le public? Mm-hmm. Oui, bien sûr, mais en ce qui me concerne, c'est sûr que je suis vraiment choquée là, des résultats de l'étude que je vous ai présentée, mais en même temps, je suis quand même rassurée de voir qu'il y en a de plus en plus et qu'elles se multiplient, et que grâce à elles, ben, c'est sûr que ça va permettre de faire bouger les choses. Oui. Donc, en ce qui concerne les recommandations, mais je ne pourrais pas mieux faire que le gouvernement du Canada lui-même. Donc, je vous conseille vivement d'aller consulter le site en ligne intitulé « Utilisation sécuritaire de produits de santé amaigrissants ». Et pour ma part, je vais finir en disant que le meilleur conseil que je puisse donner aux auditeurs est d'utiliser leur sens critique et de s'informer auprès de professionnels de la santé qui sont qualifiés afin de ne pas se laisser piéger. Oui, et puis dans le doute, il vaut mieux s'informer auprès de personnes compétentes, même si le désir de maigrir est très fort. Hein, il ne faut pas en perdre non plus son sens critique. Donc, FuturSimple pourrait ajouter le lien de ce document-là à la suite de ta chronique, donc pour pouvoir s'y référer. Donc, je te remercie. Merci beaucoup, Renaud, pour ta chronique. Merci. Puis j'espère que tu apprécies ton premier passage à la radio. Oui. Donc, maintenant, petite pause musicale sur CKRL au 89.1. Et au retour, nous serons avec Frédéric Bouchard pour sa chronique des savants méconnus. Aujourd'hui, ce sera Stanley Miller.